tracks. Ne t'invente pas une vie de gangster. T'es réputé pour être un mange-pierre. Elle dossait, je suis avec mon équipe depuis l'époque des lance-pierres. Jure pour eux, on les connaît, nous. Ils mangeaient grâce à leur codétenus. Jure pour eux, on les connaît, nous. Show. C'est moi qui manie l'orchestre. Faut les épaules pour encaisser. Ton bras est long mais pas large. Je provoque mon destin avec modestie. Rap, drogue, kilo pour remplir frigo. Putain, je blesse. Quand j'ai troqué, viscère drogué, c'était simplement pour gratter ma pièce. Poto calmaté, tu sais, le gang est mérité. Faut pas nous fréquenter. On se débrouille, on n'est pas biganté. J'blesse, c'est sale ici, j'vois qu'il n'y a pas d'issue. J'blesse, ta tête au sol, et si tu fais le fou, ça les suit. J'blesse, pourtant c'est que le début. J'blesse, je le ferai à la vite, je le ferai à la limite. Ton prénom c'était 6h les condés. Pas ton discuté, je sors menotté. Boucave et bonhomme, c'est la mixité. Boucave et bonhomme, c'est la mixité. J'blesse, j'ai tant donné pour. J'blesse, j'ai tant donné pour. J'blesse, j'ai tant donné pour. J'blesse, j'ai tant donné pour. Plus nos péchés s'écrivent. Plus nos regrets s'effacent. Lentement j'arrive dans la cour du buzz. Des pétasses et des coups de crasse. Devenir grand financièrement. Préparer sa retraite, son enterrement. Oui, tout est payant, c'est grave. Tu payes et on t'enterre mort. On commet des putains de délits comme refourguer drogue, tu terrain en calme. On brasse, on coule. Tout pour les miens mentales, John Terry. Maman m'a dit mon fils prie. On vit dans un monde où noir est l'esprit. De plus en plus de morts et victimes. J'ai compris que la mort était sur le périphérique. Gang, réussir ou mourir. On se remémore à les bons souvenirs. Le thème c'est réussir et sourire. La victoire est belle si l'homme a souffert. N'est-ce pas, ne t'invente pas une vie de gangster. T'es réputé pour être un mange-pierre. Elle dossait, j'suis avec mon équipe depuis l'époque des lance-pierres. J'blesse, c'est sale ici, j'vois qu'il n'y a pas d'issue. J'blesse, ta tête au sol et si tu fais le fou, ça les suit. J'blesse, pourtant c'est que le début. J'blesse, je le ferai à la vite, je le ferai à la limite. Ton prénom c'était 6h les condés. Pas ton discuté, tu ressors menotté. Boucave et bonhomme, c'est la mixité. Boucave et bonhomme, c'est la mixité. J'blesse, j'ai tant donné pour. J'blesse, j'ai tant donné pour. J'blesse, j'ai tant donné pour. J'blesse, j'ai tant donné pour.